Je suis déjà partie. Fais comme si tu m'avais jamais connu. Tout est foutu. Dans une fin, les pires aussi, tu comprends bien. De toute façon, il est trop tard. Je suis déjà tellement loin. Je suis déjà partie. Les pires aussi, tu comprends bien. De toute façon, il est trop tard. Je suis déjà tellement loin. Jamais connu.